Audiomatique. Pour la transmission 254 d'Audiomatique, les sonoristes vous présentaient la collaboration entre le groupe allemand Too Rococo Rot et l'artiste américain Craig Willingham, connu sous le pseudonyme de iSound. Ensemble, ils nous interprétaient la pièce How We Never Went to Bed de leur album Music is a Hungry Ghost, paru en 2001. Nous vous offrons maintenant à entendre le duo britannique Utah Saints à Audiomatic. audiomatique, nous avions droit au collectif anglais Up, Bustle and Out et leur composition Tabla Talking Dub, remixée par l'artiste suédois Beat Fanatic. Cette pièce, à laquelle d'ailleurs collabore Nitin Sawhney, est parue sur l'album City Breakers 18 Frames Per Second. Tout juste avant, il s'agissait du duo Utah Saints et sa pièce Transatlantic Glide, de leur premier album homonyme, lancé en 1993. Allons-y maintenant à Audiomatic avec le groupe montréalais Wolf Parade. And you, you're some kind of pioneer. I'm trying to Pour clore cette séquence audiomatique, nous vous avons fait jouer la musique du groupe américain Passion Pit, en l'occurrence la chanson « Where We Belong » de son deuxième album « Gossamer ». Précédemment à Passion Pit, c'était le groupe américain Ra Ra Riot et la chanson « Ghost on the Rocks » qui apparaît entre autres sur son mini-album homonyme lancé en 2007. Et pour débuter ce segment, le groupe montréalais Wolf Parade nous offrait la chanson « In the Direction of the Moon » de son album Expo 86. Audiomatique se poursuit maintenant avec nul autre que Thurston Moore. « Le groupe australien Single Gun Theory terminait ce bloc musical à Audiomatique avec sa chanson « Man of Straw », extraite de leur album « Millions like stars in my hands, daggers in my heart, wage war », paru en 1991. On a aussi pu entendre précédemment le groupe brooklynois Yes Sayer et la pièce Wait for the Winter Time, parue sur l'album All Our Symbols. Et pour amorcer le tout, Thurston Moore, bien sûr guitariste et chanteur du légendaire groupe Sonic Youth, nous interprétait en solo la chanson Pretty Bad de son album Psychic Arts, sorti en 1995. Nous mettrons un terme à cette transmission 2-5-4 d'Audiomatique avec le groupe Radiohead et la chanson Cut Tooth que l'on peut retrouver sur le single Knives Out. Dès mercredi prochain à 17h, les sonoristes seront au poste pour vous présenter la transmission 2-5-5 sur les ondes de C'est fou. Nous vous invitons à consulter nos plateformes mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique CFOU pour entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Radiohead et la pièce Cut Tooth. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Until your lungs are sore, until you